Document 5, Distraction, Histoire de Carlos. Je donnais des cours à Washington. Un matin, je me suis levé et je me suis aperçu que j'avais oublié de retirer mes vêtements au pressing. J'ai enfilé un imperméable sur mon pyjama et je suis descendu dans la rue. Le pressing se trouvait à côté d'une librairie. Je suis entré pour feuilleter quelques livres. Au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir faim. Je suis allé au centre-ville et je suis entré dans un grand restaurant. J'ai enlevé mon imper et j'ai commandé un bon déjeuner. J'avais presque fini de manger quand j'ai remarqué deux touristes qui me regardaient et qui chuchotaient. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais déjeuné en pyjama et en pantoufles à 2 heures de l'après-midi en plein centre de Washington.